Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Les prochains points sur l'information sur votre antenne, ce sera à 8h avec le Flash et à 8h30 avec le journal de Radio Vatican et l'actualité internationale. Mais d'abord, comme tous les matins, 7h35, le grand témoin, c'est avec vous, Louis Dauphresne. Le grand témoin, Louis Dauphresne. Et à Rome, on célèbre aujourd'hui, avec une audience interreligieuse, les 50 ans de Nostra Aetate, une déclaration historique qui a jeté les bases, après des siècles d'anti-judaïsme chrétien, du dialogue avec les juifs et toutes les autres religions. Exceptionnellement, des représentants de ces autres religions participeront d'ailleurs ce matin à l'audience hebdomadaire du pape François sur la place Saint-Pierre. Donc, c'était le 28 octobre 1965, à la fin du Concile Vatican II, plus de 2000 cardinaux, évêques et patriarches du monde entier adoptaient ce document novateur auquel seule une minorité de 88 pères conciliaires se sont opposés. On en parle ce matin avec notre grand témoin. Qui est Bruno Charmet, directeur de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Bonjour Bruno Charmet. Bonjour. Merci de nous éclairer sur cet anniversaire. Assez peu présent, je dois dire, dans les médias. Oui, bien écoutez, en même temps, moi je me réjouis infiniment que le pape François consacre une journée entière à Rome pour ce grand événement. Et peut-être y aura-t-il un développement à partir de là. On va regarder ce qui se dit, écouter précisément les choses. Je précise que vous publiez « Juifs et chrétiens, partenaires de l'Unique Alliance », c'est aux éditions Parole et Silence. On va voir votre portrait, Bruno Charmet, puis on va détailler un petit peu les choses, savoir à quoi correspond Nostra Aetate. D'abord, il faut quand même rappeler que ce sont toujours les premiers mots d'une déclaration qui est faite en latin. Oui, c'est donc l'incipit. Je traduis tout de suite « en notre temps, Nostra Aetate ». Ce qui veut dire « en notre temps, en 1965 », eh bien, un nouveau regard de l'Église catholique sur l'ensemble des autres religions. Donc, événement fondateur. En même temps, c'est la tradition catholique. On ne peut pas dire rupture, mais ça veut dire renouvellement dans un regard en même temps qui se veut neuf. Mais éclaire-moi un petit peu, est-ce que c'est directement une déclaration conciliaire en tant que telle? On a l'impression que c'est un document un peu à part, oui, qui vient un peu après. Je pense que les pères du concile ont été sages. Ce n'est pas une constitution, ils ont voulu une simple déclaration, on était à des balbutiements au départ, si bien que ensuite vous avez eu une quantité d'autres textes romains, 10 ans après un nouveau texte en 1975, et puis des gestes considérables qui ont beaucoup développé Nostra Aetate, ne serait-ce que Jean-Paul II à la Grande Synagogue de Rome en 1986, We Remember, nous nous souvenons, la grande déclaration de 1998 de repentance à l'égard de nos frères juifs. Donc, si vous voulez, c'était un approfondissement, voilà, dans la continuité. Et Nostra Aetate n'est qu'une pierre de touche, qu'un commencement. Mais un commencement qui a donné lieu, vous l'avez rappelé à l'instant, à des événements qui ont eu une portée après planétaire. Considérable. On pourrait encore ajouter, dans la lignée de des actes de Jean-Paul II à partir de Tertio Millenio Adviendente en 1994 qui a lancé toutes ces vagues de repentance, pas seulement à l'égard des juifs, mais à l'égard de beaucoup d'autres réalités, notamment par rapport à la science, à la condamnation de Galilée, etc. Et bien naturellement, en 2000, au Kotel, au mur occidental du Temple, dit mur des lamentations, l'acte de repentance de Jean-Paul II dit donc, insère dans les pierres du temple une prière de repentance. Voilà, ça fait partie des images qui, évidemment, ont marqué les esprits. Bruno Charmet, alors d'abord, on va voir qui vous êtes, et puis on va ensuite parler de Nostra Aetate, de certains points, si peut-être un petit peu délicats à comprendre, et que vous allez devoir expliquer. C'est à La Rochelle que vous voyez le jour en 52, dans une famille catholique fervente. Un événement a sans doute été déterminant dans votre intérêt pour le dialogue judéo-chrétien, alors que vous aviez 7 ans. Vos parents vous ont emmené voir un spectacle au Théâtre de la Ville, une pièce écrite à partir du journal d'Anne Frank. Marion Duchesne. C'était tellement absurde et ahurissant, cela m'a bouleversée, raconte Bruno Charmet. Depuis, je n'ai eu de cesse de comprendre la Shoah, comprendre pourquoi ce peuple que je ne connaissais pas avait ainsi été persécuté. Au lycée Fromentin de La Rochelle, un professeur d'origine hongroise, agnostique mais pas anti-religieux, éveille Bruno Charmet à la philosophie. Il choisit de l'étudier à Poitiers, logeant alors chez les jésuites. Au début des années 70, j'ai été très impressionnée par mes lectures de la nuit d'Elie Wiesel. Les mêmes questions et toujours pas de réponse. En 1976, Bruno Charmet décroche sa maîtrise de philo avec un mémoire sur Hegel avant de monter à Paris. Un an à l'Institut français de presse, en 1979, il rejoint la rue du Bac pour devenir rédacteur du service information communication de la Conférence des évêques de France. 20 années de service comme attaché de presse auprès de Mgr Di Falco, du père de Labrosse ou encore de Mgr Lalanne. Sous la dictée du cardinal de Courtrai, alors président de la conférence, j'envoyais des téléx confidentiels à l'archevêché de Cracovie, se souvient Bruno Charmet. Autre souvenir, les très enrichissantes assemblées plénières à Lourdes. Je ne disais rien, mais j'écoutais tout. 1997 fut l'année de la déclaration de repentance de Drancy. Je n'oublierai jamais, j'avais rassemblé les déclarations des évêques qui avaient autrefois protesté, comme celle de Mgr Saliège. Bruno Charmet n'a pas non plus oublié la densité de présence du cardinal Lustiger, avec lequel il a eu de nombreux échanges. Entré en 1983 à l'Amitié judéo-chrétienne France, il en prend la direction en 1999. Et c'est à une parole de Jésus à la Samaritaine dans l'Évangile de Jean que Bruno Charmet est particulièrement attaché, car le salut vient des Juifs. Sans faire de syncrétisme entre les religions, dit-il, Juifs et chrétiens sont partenaires de l'unique alliance, pour reprendre les mots du cardinal Ratzinger. Ce que nous avons en commun, conclut Bruno Charmet, l'Ancien Testament, les psaumes, la religion de la parole. Alors Bruno Charmet, expliquez-nous ce qui s'est passé exactement il y a 50 ans, ou plus précisément ce qui a permis qu'advienne cette déclaration Nostra Aetate dont on parle aujourd'hui. Et je dirais que c'est un peu l'objet de mon livre, si vous voulez. Dans l'Église, je pense que c'est vrai aussi dans le judaïsme, la tradition est vivante et on ne peut pas dire qu'il y a une éruption absolue à partir de rien. Dans mon livre, là, Juifs et chrétiens, aux éditions Parole et silence, je donne une dizaine de portraits de juifs et de chrétiens, notamment Jacques Maritain et le cardinal Journet, qui, dès les années 30, ont, je dirais, un peu activé et réactivé les relations judéo-chrétiennes. Il y avait un énorme antisémitisme en France dans les années 30, pas seulement en France. Et Maritain donc, a eu un courage inouï dans les années 37-38 pour rappeler à contre-courant, je dirais déjà, les racines juives du christianisme. Donc c'est un peu tout ce courant. Ensuite, notre fondateur, Jules Isaac, donc, a rencontré Jean XXIII en 1960, 2 ans avant l'ouverture du Concile. Et il lui a demandé, après le grand livre de Jules Isaac de 1948, « Jésus et Israël », dois-je pouvoir espérer une déclaration ? Et Jean XXIII lui a fait cette réponse célèbre, « Vous avez droit à plus que de l'espoir ». Voilà, donc vous voyez, moi j'insiste beaucoup sur de grands témoins. Qui était Jules Isaac ? Alors Jules Isaac était un juif laïque qui a été naturellement bouleversé par la déportation de sa femme en 1943, de sa fille, qui ne sont pas revenus d'Auschwitz. Et déjà, mais dès 1942, Jules Isaac travaillait sur ce qu'il a ensuite appelé l'antijudaïsme chrétien, à distinguer néanmoins de l'antisémitisme nazi païen, bien sûr, mais qui a contribué indirectement à un certain antisémitisme. Et au sortir de la guerre, épouvanté et bouleversé par les déportations dans sa propre famille, il a décidé de fonder l'Amitié judéo-chrétienne en 1948 et surtout d'écrire un grand livre, Jésus et Israël, qui revisite, alors évidemment en juif laïque, pas religieux même on peut dire, mais je dirais qu'à travers un aspect profane dans la lecture notamment des évangiles, bon, il a énormément développé, je dirais, un cri d'indignation à partir duquel on a tous retravaillé. Voyez. Qu'attendait-il de la part de l'Église catholique ? Pourquoi était-il venu voir Jean XXIII ? Alors, Jules Isaac attendait donc un nouveau regard de l'Église catholique pour passer, comme il disait, de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Bon, c'était un tout petit départ, mais là encore, à partir de ce noyau fondamental, on a pu développer énormément, puisque maintenant, on va beaucoup plus loin que Jules Isaac, puisque nous avons nos frères juifs, je pense par exemple au rabbin Philippe Haddad, qui, demeurant rabbin et juif, j'insiste, fait une redécouverte extraordinaire des évangiles. Donc, il y a une réciprocité maintenant dans le regard aussi bien des juifs à l'égard des chrétiens que des chrétiens à l'égard des juifs. Donc, Nostra Aetate, alors si on essaie de resituer, retisser un petit peu les étapes de l'histoire, vous diriez il y a une étape dans les années 30 avec des penseurs chrétiens qui ont réactivé cet intérêt pour le monde juif. Et puis, après-guerre, évidemment, avec tout ce qui s'était passé entre 40 et 45, le climat était en quelque sorte plus favorable après-guerre pour obtenir quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'État d'Israël est survenu après-guerre. Est-ce que quelles ont été les chevilles ouvrières un peu de ce texte dont on va voir certains passages. Pour Nostra Aetate. Oui. Alors moi, je dirais en premier le cardinal Béat, qui jésuite allemand avait dirigé préalablement. Encore l'influence de l'Allemagne, décidément. Oui. Là, au sens positif du mot, donc avait dirigé. Non, mais je parlais du synode sur la famille. C'était une allusion. Ah oui, aussi, oui, hein. Tout à fait. On voilà. Est dans l'actualité. Mmh. Il avait dirigé l'Institut biblique pontifical avant d'être une des chevilles ouvrières, donc du texte Nostra Aetate. Et surtout, on découvre de plus en plus qu'il avait tout un réseau de théologiens, d'amitiés, qui ont beaucoup aidé, notamment aux États-Unis, le père John Osterreicher. Donc, on a dit Jules Isaac. Mais il avait aussi des amitiés œcuméniques importantes, comme le pasteur Mark Buckner, qui a été un très grand résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voyez, c'est tout un faisceau d'amitiés, de théologiens, qui ont contribué, les sœurs de Sion aussi, qui ont contribué à ce texte. Je pense particulièrement à sœur Bénédicte, qui, avec sœur Louise Marinise, ont fondé ensemble, au moment et un peu après le concile, le SIDIC, Service Information Documentation Juive Chrétien de la Congrégation des Sœurs de Sion. C'est tout un ensemble voilà, de religieuses, de laïcs, de théologiens. Et puis, je penserai par exemple à Abraham Eshel, grand théologien, si l'on peut dire, mais il n'y a pas vraiment de théologie dans le judaïsme, qui a été un des témoins de Vatican II, qui était sur place d'ailleurs à Rome. Alors, que dit Nostra Aetate, Bruno Charmet, précisément? Alors, moi, est-ce qu'on peut avoir... Tout à fait. Moi, j'insiste beaucoup sur les premières lignes de Nostra Aetate. Vous voyez, je lis au paragraphe 4. Scrutant le mystère de l'Église, le Concile, alors nous traduisons à partir des latinistes, puisque le texte original est en latin, non pas rappel, mais le Concile en latin c'est memenit, donc se souvient, c'est beaucoup plus fort, le Concile, scrutant le mystère de l'Église, je redis, le Concile se souvient du lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Pour moi, c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est uniquement avec le judaïsme que Vatican II peut employer ce langage d'inclusion. C'est l'esprit de saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 9 à 11. Tout chrétien dans sa foi découvre progressivement qu'il est greffé, prend conscience, se souvient, mémonite, donc sur le peuple de la première alliance. Et comme disait Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 1986, « Nous avons avec vous, les Juifs, des relations que nous n'avons avec aucune autre religion. » Le carnet de Che Guevara, jouant sur les mots, disait « Le judaïsme ne nous est pas antérieur. » Mais intérieur. Mais intérieur. Ouais. Voilà, alors je crois que ce 21e siècle du tout interreligieux, je ne suis pas du tout contre, mais nous insistons beaucoup à l'amitié juridienne sur la spécificité unique du dialogue judéo-chrétien par rapport à tout dialogue interreligieux. Voilà, il y a une spécificité qui tient à nos racines, qui se trouve dans le Premier Testament. Bruno Charmet, ces racines n'étaient pas niées avant le Concile? Non, elles n'étaient pas niées, mais il y avait quand même ce que nous appelons une certaine théologie de la substitution, c'est-à-dire que l'Église s'était substituée à l'Ancien Testament et il n'y avait pas l'idée, par exemple, d'un message pouvant toujours être actuel du peuple juif, du judaïsme, encore au XXe siècle. C'est le Christ qui a institué la Nouvelle Alliance. Alors, donc la substitution, c'est le Christ qui l'a faite. Oui, Moi, je ne dirais pas substitution, je dirais renouvellement dans l'alliance éternelle, pour reprendre l'expression du canon Ratzinger. Le Christ, d'abord, est fils d'Israël. Nous l'oublions jamais. On l'a trop oublié. La judéité est partout présente. Il priait au temple. Vous n'êtes pas juif. Hein. Je suis catholique de naissance. Et donc, il a renouvelé cette alliance. Et d'ailleurs, en hébreu, Berit Hadasha est déjà prophétisé par le prophète Jérémie, qui parle déjà, en Jérémie 30, d'une nouvelle alliance, mais à l'intérieur d'une alliance éternelle. Alors évidemment, comme on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire de syncrétisme. Nous avons tout à fait confiance qu'il y a aussi une ligne de rupture. Les Juifs ne confessent pas, j'insiste là-dessus, la divinité de Jésus, ni qu'il est fils de Dieu. Mais on retrouve par ailleurs énormément d'esprit, je dirais, judaïque dans tout l'enseignement de Jésus, et notamment, je dirais par exemple, entre les Pirkei Avot, un enseignement éthique du judaïsme à peu près contemporain des évangiles, on retrouve une morale proche de celle de Jésus. Alors expliquez-nous quand même, Bruno Charmet, que je comprenne bien, ce qu'a apporté en fait Nostra Aetate par rapport à la situation antérieure. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous disiez, il y avait quand même un enseignement du mépris, et bien que ces racines ne soient pas particulièrement niées. Hein, bon. Donc qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport à ce qu'on savait déjà ? Moi je dirais un nouveau regard. Un nouveau regard, c'est-à-dire qu'on voit les Juifs non pas comme des figures typologiques du passé, archéologiques je dirais, mais comme des êtres de chair et de sang face à nous. Et ça, c'était le génie du cardinal Béa, je disais tout à l'heure, d'inviter par exemple au concile Abraham Michel et de voir qu'il y avait un judaïsme vivant devant nous et pas uniquement des juifs témoins de leurs propres écritures, dépassés en quelque sorte et non pas niés, mais considérés comme du passé d'une certaine manière. Mais voilà, un face-à-face vivant entre juifs et chrétiens. Mais c'est parce tout que, un départ. Je ne suis pas expert du sujet, donc je sollicite votre intelligence. De quel judaïsme parle-t-on précisément ? Est-ce qu'on parle de celui... Apparemment, vous parlez de celui de l'Ancien Testament, qui représente une souche commune. Mais dès lors que vous avez un judaïsme d'après Jésus et qui nie la divinité du Christ, on ne parle plus du même judaïsme. Alors, si vous voulez... Donc le judaïsme talmudique n'a pas de rapport avec le judaïsme de l'Ancien Testament dont vous parlez, non ? Si, il y a une grande continuité. Il faut voir que le judaïsme, les juifs de chair et de sang que vous voyez aujourd'hui, sont des juifs issus du grand mouvement pharisien. Car que s'est-il passé ? Pour faire un tout petit peu d'histoire, en 70 après Jésus-Christ, vous avez la destruction du temple. Qu'est-ce qui subsiste ? Il y avait comme grand courant les Sadducéens, complètement rivés à l'aristocratie juive, collaborateurs des Romains, qui ont disparu. Parce qu'ils n'avaient pas justement un recul et une tradition orale qui permettait de pouvoir dépasser un judaïsme où le temple aurait été rasé. Et le génie des pharisiens a été de pouvoir continuer l'étude des Écritures saintes de l'Ancien Testament avec une tradition orale qui pouvait se passer du temple, et notamment des sacrifices d'animaux. Donc, à partir de là, la liturgie a continué, notamment à Yavne, puisque Jérusalem leur était interdit par les Romains. Et à partir de là, pendant 2000 ans, un judaïsme lié à l'Ancien Testament, mais renouvelé par une lecture pharisienne, s'est perpétué, ce qui a été ignoré par le Nouveau Testament. Non pas par le Nouveau Testament, car il y a beaucoup de traces pharisiennes dans le Nouveau Testament, pas seulement dans des polémiques, mais qui a été, dans l'enseignement de l'Église, nié et, à partir de là, qui est redécouvert par Nostra Aetate, je disais comme tout à l'heure, un judaïsme vivant, issu du pharisianisme. Mais Jésus passe son temps, ce mot simple, à bâcher les pharisiens. Oui, comme les pharisiens eux-mêmes, entre eux, dans le Talmud. Et très souvent, notamment dans tout ce qui est reproche d'orgueil, etc., vous avez les mêmes reproches qui sont donnés dans le Talmud. Un judaïsme ostentatoire, c'est quelque chose qui est très fréquent comme émulation réciproque entre rabbis pharisiens dans le Talmud, à peu près à l'époque de Jésus. Donc vous voyez, plutôt que de voir un Jésus non-juif, ce qui est une aberration extérieure à sa propre religion, aujourd'hui on travaille beaucoup plus sur l'idée que Jésus proche des pharisiens, faisait comme une émulation à l'intérieur de son peuple, à un niveau éthique, comme faisaient les rabbis pharisiens entre eux. J'insiste bien que le point de rupture n'est pas tellement dans l'éthique entre juifs fidèles à la Torah et juifs fidèles à Jésus que dans, effectivement, la rupture absolue confessant aux chrétiens la divinité de Jésus et sa résurrection. Bruno Charmet, donc, si je suis bien, aujourd'hui l'amitié judéo-chrétienne, elle s'inscrit, elle essaie d'inclure le christianisme dans un prolongement avec un rameau du judaïsme, celui qui est pharisien et qui a réussi en fait à faire perdurer une tradition juive. Vous avez totalement compris, c'est exactement ça aujourd'hui. Oui. Et cela, aucun penseur de l'Église avant Nostra Aetate n'avait abordé cette question-là. Alors, on pourrait trouver des linéaments, je parlais tout à l'heure de Maritain, du cardinal Jornet. Mais même avant Maritain, avant le XXe siècle. Ah oui, avant le XXe siècle, il y a eu parfois des prises de conscience. Je pense par exemple à un niveau un peu plus sociologique, pendant la Révolution française et un peu après, des amitiés de l'abbé Grégoire, un peu après la Révolution française avec des juifs. Drôle d'abbé, mais c'est vrai qu'il était favorable à. Il était favorable aux relations avec le judaïsme. Et puis, au Moyen-Âge, on sait très bien que Rashi, le grand commentateur de l'ensemble de l'Écriture, aussi bien de l'Ancien Testament, enfin de la Torah et du Talmud, était en lien au Moyen-Âge, à Troyes, au XIe siècle, avec des chrétiens. Et ce qu'on ne sait pas suffisamment, c'est que les moines, notamment, avaient tout à fait conscience qu'il fallait travailler la Bible à partir de son original en hébreu. À qui se confiait-il comme de grand maître ? Au rabbin, car il savait qu'il connaissait infiniment mieux l'hébreu qu'eux et que pour travailler la parole sainte de l'Ancien Testament, il fallait travailler. Donc, si vous voulez, vous aviez quand même des liens qui sont un peu trop ignorés entre juifs et chrétiens. Et le gros travail de Gilbert Dahande, par exemple, grand universitaire, c'est de faire ce lien, voyez. Bruno Charmet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30, 50e anniversaire de Nostra Aetate, juifs et chrétiens partenaires de l'Unique Alliance, témoins et passeurs. C'est aux éditions Parole et Silence. C'est préfacé par Marguerite Léna, qui est déjà venue justement en grand témoin nous faire profiter de ses lumières. Et justement, vous allez rester avec nous. On va commenter encore des phrases de Nostra Aetate, peut-être qui sont sujettes à caution, ou je ne sais pas, qui méritent peut-être un éclaircissement. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h30 pour en parler, puis on parlera aussi d'autres religions. Hein. Forcément, l'islam est concerné d'ailleurs aussi par ça. A tout de suite après 8h et l'édito de Gérard. Rencontre. Bonjour, c'est Léo Potier. Et Juliette Loiseau. Rencontre, c'est du lundi au vendredi à partir de 10h15. Un quart d'heure pour entendre un témoignage. Écrivain, prêtre, entrepreneur, étudiant, scénariste et bien d'autres. Ils ont tous quelque chose à raconter sur leur vie et leurs projets. Préparez-vous donc à découvrir de nouvelles voix et de nouvelles personnes. Rencontre à partir de 10h15, c'est sur Radio Notre-Dame. Et radionotredame.com. Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linge de maison ou tout objet de collection ? La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptant. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelets. Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Metzger, boucher d'exception. Après Boulogne, découvrez notre deuxième adresse à Neuilly-sur-Seine. Chez Metzger, boucher de père en fils depuis 1930, comme les plus grands chefs étoilés, choisissez des viandes d'exception. Charolais, Black Angus, Wagyu Kobe, bœuf Simmental Dry Aged. À Neuilly, découvrez de nouvelles saveurs, mais aussi un service traiteur et des plats à emporter. Cuisine gourmande de saison, produits bio, détox, cuisine végétale. Boucherie Metzger à Neuilly-sur-Seine, du mardi au samedi en continu de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h. 191 boulevard Binot. 6h-9h, Louis Dauphren, Flora Cortès. Juste avant 8h, la minute spirituelle. Bonjour Père Jean-Marie Crespin. Bonjour. En ce mercredi matin, j'aimerais continuer cette réflexion à la suite du synode sur les biens du mariage. Aujourd'hui, la fidélité. Je te reçois et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves. Voilà la déclaration d'intention que nous entendons lors des échanges du consentement. Cette fidélité renvoie à une autre fidélité, celle de Dieu. Et chacun d'entre nous, mariés ou pas, nous sommes tous invités à découvrir la fidélité de Dieu au long de notre vie, que ce soit par notre naissance, où il vient nous créer, que ce soit par tous les événements de notre vie où il vient nous soutenir, que ce soit spécifiquement dans l'alliance du mariage, où il vient nous appeler à être les témoins fidèles, ceux qui manifestent que Dieu est toujours fidèle. Prions pour la fidélité aujourd'hui dans la famille, dans les couples. Fidélité si importante qu'elle devient le chemin du mystère de la résurrection en passant par le pardon. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Père Jean-Marie Crespin, bonne journée. Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Et bonne matinée en ce mercredi 28 octobre. Une matinée pluvieuse, mais des températures assez douces. Radio Vatican, 8h30, l'essentiel de l'info internationale, c'est à peu près dans une demi-heure. Et d'ici là, c'est Bruno Charmet, 50e anniversaire de Nostra Aetate. Il est avec nous après les infos de Flora Cortès. Bonjour à tous. La crise migratoire qui a vu 700 000 migrants et réfugiés arriver en Europe via la Méditerranée depuis janvier va s'aggraver, a prévenu mardi le président du Conseil européen, mettant à l'épreuve la coopération déjà délicate entre les pays de l'Union européenne. Signe de cette préoccupation, le président français et la chancelière allemande ont mis la question migratoire au programme d'un entretien bilatéral également consacré à la Syrie mardi à Paris. Les deux dirigeants ont exactement les mêmes positions sur la question des réfugiés, sur ce qu'il doit être fait sur le plan politique et sur les moyens nécessaires pour les pays en première ligne, a indiqué l'entourage de François Hollande. Les États-Unis ont annoncé mardi que Téhéran, allié du régime de Damas, pourrait prendre part au pourparlers sur la crise syrienne, mettant parallèlement en avant leur volonté d'intensifier leur frappe contre les djihadistes du groupe Daesh. Le secrétaire d'État John Kerry doit participer en fin de semaine à Vienne à discussion pour tenter de trouver une issue politique au conflit syrien dans la foulée d'une première rencontre la semaine dernière entre les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné hier les frappes aériennes ayant détruit un hôpital de Médecins sans frontières à Saada, dans le nord du Yémen. Attaque qu'il a imputée à la coalition militaire conduite par l'Arabie Saoudite. Des images publiées par l'organisation humanitaire montrent un hôpital réduit en tas de gravats. La liberté d'accès à Internet a reculé pour la cinquième année consécutive dans le monde, selon l'ONG Freedom House, qui souligne dans un rapport publié ce matin les reculs notables enregistrés en Libye, en Ukraine et en France. Près de 6 personnes sur 10 dans le monde vivent dans un pays où des internautes et des blogueurs ont été emprisonnés pour avoir partagé en ligne des contenus portant sur des sujets politiques, sociaux ou religieux, selon le rapport annuel 2015 de l'association. En France, Manuel Valls a esquissé mardi un mea culpa sur la politique du gouvernement pour combattre la ségrégation dans les banlieues. C'était à l'occasion d'une émission spéciale enregistrée 10 ans après le début des émeutes urbaines en 2005, en assurant sa détermination à agir. Il faut poursuivre, continuer. J'accepte pleinement la critique sur le fait que ça n'est pas allé assez vite, a reconnu le Premier ministre en réponse à un journaliste qui l'interrogeait sur l'absence de mixité sociale dans les quartiers sensibles. Un entretien dans le cadre d'une émission organisée par le Bondy Blog. Enfin, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, est parvenu mardi à un accord avec la seule CFDT sur son projet de réforme des 35 heures, à l'origine d'un long conflit social. Sans surprise, l'accord entérine la réduction du nombre de RTT et de nouveaux modes d'organisation pour les 75 000 personnels hors médecins de l'institution. 8h03 pour Gérard Leclerc, le statut et l'importance du religieux sont en cause dans la réflexion contemporaine et aussi dans les médias. Selon Gérard, il ne suffit pas de décréter la liberté de conscience, il faut envisager l'originalité des soucis de l'âme. Est-ce possible lorsqu'on méprise la foi au titre d'une croyance méprisable selon la raison ? On vous écoute Gérard. Étant par goût et par profession lecteur assidu des pages idées de nos journaux, notamment Quotidien, je pourrais presque chaque jour utiliser cette tribune pour en faire le commentaire. Le respect et la pitié pour mes auditeurs m'en gardent heureusement, car il n'y a pas que les opinions qui comptent. Il y a la vie avec toute sa richesse et toutes ses couleurs. Mais quand surgit un débat qui a tout de même des résonances essentielles, je serais coupable de me dérober. Ainsi, dans le Monde d'hier après-midi, j'ai lu dans la même page deux interventions qui m'ont fait réagir. La première que j'ai trouvée remarquable est signée d'un philosophe musulman, Abdennour Bidar, qui met l'accent sur l'absence de spirituel qui caractérise notre société et qui explique les dérives faussement religieuses. Certes, il y aurait lieu de discuter pour creuser le discernement, mais j'adhère volontiers à la proposition qui consiste à donner à chaque être humain les moyens de cultiver sa propre part d'infini. En contraste, la contribution signée Laurent Bouvet et André Grechbin dans la même page ne donne pas une très haute idée de ce souci spirituel. Je ne puis malheureusement résumer la démonstration qui consiste à fonder la supériorité de la science sur la croyance, mais le caractère polémique du propos est transparent. Il s'affirme de la façon la plus truculente dans une proposition qui fleure bon le rationalisme soviétoïde. On nous assène que la société fermée par opposition à la société ouverte de la modernité se définit par référence à une révélation et que les individus y sont soumis à des forces magiques censées provenir d'une source extérieure à la société. Une telle proposition se réfère à une sorte d'échelle dégradée qui part de la science, glisse vers l'opinion et se perd dans le marais des croyances. Je ne contredirai pas nos deux auteurs sur la dignité de la science et des disciplines diverses qu'elle circonscrit. Mais je mettrai en doute cette conception qu'ils ont de la croyance dont on déduit qu'elle concerne les esprits faibles dominés par la magie. Au fond, je trouverais ça assez drôle, car l'histoire de la pensée permet de comprendre que presque toujours, c'est le rationalisme pur qui suscite l'irrationalisme et la fascination de l'occultisme. C'est pas tant avec les Lumières. Faut-il expliquer que la foi, c'est tout autre chose, et que pour en avoir une idée, il faudrait par exemple se référer à la grammaire de l'assentiment du cardinal Newman. Mais il faudrait alors fendre l'armure de notre rationalisme bien étroit. Merci Gérard Leclerc. À demain, la suite du Grand Témoin, c'est avec vous Louis Dauphresne. Bruno Charmet dirige l'Amitié judéo-chrétienne de France, 50e anniversaire de Nostra Aetate, la fameuse déclaration. C'était donc le 28 octobre 1965, déclaration qui porte sur les autres religions et qui a eu une portée considérable, on pourrait même dire, Bruno Charmet, d'une certaine façon. Elle a fondé la... C'est peut-être un petit peu, j'allais dire, grandiloquent ce que je vais dire, mais qu'elle a fondé la mondialisation. Hein. Par exemple, quand on lit « L'Église réprouve en tant que contraire à l'esprit du Christ toute discrimination ou vexation dont sont victimes des hommes en raison de leur race, de leur couleur, de leur condition, de leur religion », on a l'impression de lire un texte d'aujourd'hui. Hein, de... Oui. C'est presque de la Halde. Hein. Il est vrai que ça a été vraiment un texte, comme on dit tout à l'heure, qui a inauguré un autre état d'esprit, ça c'est certain, mais c'était un embryon. Et comme je dis, à partir de là, tout était à développer. Et tout s'est quand même formidablement bien développé depuis 50 ans. Mais on ne mesure peut-être pas à quel point, c'est peut-être le message aujourd'hui, ça a été fondateur d'autre chose. Certainement, et nous disons toujours que le dialogue judéo-chrétien, qui est un noyau unique, est un modèle pour toute forme d'autres dialogues interreligieux. Alors, quelques points délicats, je précise, je rappelle d'abord que vous avez écrit « Juifs et chrétiens, partenaires de l'Unique Alliance » aux éditions Parole et Silence. Bruno Charmet, quelques points délicats. Alors, sur Nostra Aetate, par exemple, cette phrase qui est souvent la première mentionnée quand on parle de cette déclaration, qui recèle peut-être, je ne dis pas une certaine ambiguïté, mais enfin bon, qui mérite d'être expliquée. « L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. » Le « c'est », hein, c'est démonstratif. Et alors, de quelle religion parle-t-on d'ailleurs ? Alors, écoutez, de toutes les religions ? Là-dedans, moi, je partirais d'un père de l'Église, à savoir Saint Justin, qui disait dans les premiers siècles qu'il y avait des sens du Verbe, le Verbe de Dieu, qui se trouvaient un peu partout dans le monde. Bon, on n'était pas dans le pluralisme interreligieux, bien sûr que non, mais semence du Verbe, c'est-à-dire que Dieu est généreux et que tout homme qui le prie, d'une certaine manière, est en lien avec lui. Et dans Nostra Aetate, nous n'avons pas seulement, d'ailleurs, les relations judéo-chrétiennes qui sont le cœur, nous avons l'islam, mais nous avons aussi les sagesses traditionnelles qui se trouvent dans d'autres paragraphes. Moi, je pense à nos frères africains, par exemple, et des religions, l'hindouisme aussi. Tout ça, ce sont des semences du Verbe, si vous voulez. Dieu, donc, éclaire tout homme à partir du moment où une intégrité éthique se trouve en lui. Alors, c'est rapidement dit, parce que l'Église, chère de vérité, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, à partir de là, donc, nous, chrétiens, pensons que le Christ, donc, est venu sur Terre de façon à éclairer vraiment et à sauver l'ensemble du monde pécheur, et surtout par sa résurrection, par la même. Est-ce que c'est, y a pas de monopole? Alors, il y a cette phrase à laquelle faut quand même répondre, ou cette distinction. On peut faire son salut dans d'autres religions? Alors, écoutez, par d'autres religions. Alors, il est vrai que pour nous chrétiens, donc le Christ est absolument fondateur. Mais je dirais que nous sommes à partir. Enfin, il est plus que fondateur, c'est la voie, la vérité, la vie. Voilà, comme dit saint Jean, tout à fait. Mais vous remarquerez que dans ce que dit Jésus, le mot « je suis le chemin, la vérité et la vie », odos en grec, le chemin, c'est aussi donc une voie, V-O-I-E. Et à partir de là, donc je pense que on peut, à partir de là, donc être aussi en lien avec toute personne qui chemine. Voilà. C'est aussi... Donc, si j'essaie de bien saisir les choses, parce que c'est quand même une révolution conceptuelle, l'Église qui pensait avoir le monopole, finalement, de la, du salut, se retrouve à devoir le partager avec une humanité dont elle ignorait jusqu'à présent, peut-être pour une partie, en tout cas, des religions que vous avez citées, dont elle ignorait peut-être, ou dont les chrétiens ignorent les fondements ou les principes même. Je ne suis pas sûr que les chrétiens soient très initiés aux fondements de l'hindouisme ou des sagesses africaines. Donc, il y a cette, un trésor commun dans l'humanité, et l'Église n'est qu'un aspect de ce trésor commun. Oui, alors quand même, il est vrai, pour nous chrétiens, il faut quand même confesser la centralité du Christ et surtout sa résurrection. Ça, c'est un point absolument fondamental qui nous sépare, y compris de nos frères juifs, mais des autres religions. Cela dit, nous n'avons pas encore abordé un point important dans ce magma interreligieux, c'est la figure d'Abraham. Y compris saint Paul, qui dit quand même que c'est notre père commun. Or, moi, je distinguerais volontiers dans Nostra Aetate les religions dites abrahamiques, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, des autres religions dont vous parlez, hindouisme ou sagesse africaine. À travers Abraham, c'est quand même le Dieu un et unique que nous partageons entre juifs, chrétiens et musulmans. Intuition et force fondamentale que nous ne partageons pas, par exemple, avec les religions dites polythéistes ou autres. Et c'est quand même un point fondamental dans tout ce... dialogue interreligieux, la figure d'Abraham. Donc on ne met pas tout le monde quand même sur le même plan. Il n'y a pas de relative. Oui, je fais une différence déjà entre les religions abrahamiques, des autres religions, et donc il y a quand même une différence fondamentale avec Abraham. Pour revenir à l'esprit des années 60, qui a quand même infusé beaucoup, où on peut dire que cette déclaration est quand même inspirée par l'esprit des années 60, en particulier sur la volonté de voir, j'allais dire, l'avènement d'un monde meilleur. On est peut-être revenu de certaines illusions, je ne sais pas ce que vous en pensez, Bruno Charmet. Même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint-Concile les exhorte tous à oublier le passé, à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle. C'est assez faible aujourd'hui par rapport à une situation qu'on connaît aujourd'hui, non ? Oui, j'en suis persuadé. Moi, je dirais qu'on était un peu dans l'euphorie de ces sociétés de consommation des années 60. Aujourd'hui, nous sommes dans une période particulièrement dure, c'est certain. Ce matin, en tant que chrétien, je pense particulièrement aux chrétiens persécutés du Moyen-Orient. Je pense au travail fantastique que fait le père Gollnisch, que je connais bien, donc avec l'œuvre d'Orient, ce que fait le diocèse de Paris, ce que fait le cardinal Barbarin. Et j'aimerais citer, on n'est pas loin du sujet, je reviens un petit peu, mais vous allez voir, je vais revenir au sujet des chrétiens, à ce que disait le pasteur Westphal en 1947. Il disait ceci... au sortir de la Shoah. La question juive est la question des questions. Et la manière dont il parle des juifs, on peut juger sûrement de la valeur spirituelle d'un homme, d'une église, d'un peuple, d'une civilisation. Moi, je dirais aussi que, aussi bien les déportations des juifs qu'aujourd'hui l'expulsion des chrétiens d'Irak, de Syrie, c'est une perte inouïe, comme le fut, par exemple, l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'expulsion par Daesh, il faut bien citer quand même les noms de ces monstres, c'est aussi une énorme perte, je pense, pour nos frères d'Irak ou de Syrie aujourd'hui. Les chrétiens apportaient énormément dans ces régions. Et j'ai vraiment une pensée pour eux aujourd'hui. Nous travaillons d'ailleurs l'amitié judéo-chrétienne à l'égard des chrétiens persécutés. C'est-à-dire que Nostra Aetate n'avait pas du tout, d'ailleurs, si on analyse bien la déclaration, ne voit pas du tout l'aspect géopolitique des religions. Mais alors, pas du tout. Ah, ça, totalement. Ça, c'est malheureux, oui. Alors, je ne sais pas si c'est malheureux. Peut-être que ça porte sur un autre domaine. C'est sur un autre registre. Pas forcément. Je pense que, je répète, les pères du Concile ont eu la sagesse de ne faire qu'une simple déclaration. Et ils se sont placés à un niveau, c'est vrai, éminemment spirituel et non pas géopolitique. Ce qui permet que cette déclaration puisse tout à fait tenir aujourd'hui. Alors ensuite, peut-être qu'elle n'aurait jamais eu lieu si on avait dû tenir compte de la géopolitique. Ah mais c'est d'ailleurs certain, et notamment dans mon livre, là, je parle de la réticence des évêques d'origine arabe pour Nostra Aetate, notamment, qui voyaient d'un très mauvais œil un paragraphe sur ce qui était indiqué comme la religion juive. Et il a fallu batailler énormément, en 64-65, pour que néanmoins le Concile puisse, au cœur de Nostra Aetate, donc inclure le judaïsme. Mais par exemple, vous verrez dans mon chapitre sur Jacques Maritain, vous l'avez certainement vu, Jacques Maritain demande à son collègue, le cardinal Journet à Rome, de remettre à propos de la condamnation de l'antisémitisme le mot « condamne ». Or, le mot est faible. Le mot qui n'a été retenu, c'est que « déplore ». Mais c'est là où il y a eu... C'est sur la pression de, oui, du monde chrétien arabe. Du monde chrétien arabe. Mais cela dit, ce qui est formidable aussi dans l'Église catholique, c'est qu'on a une tradition vivante et qu'on est capable de développer des manques. Et n'oublions pas ce qu'on disait au début d'émission, c'est que Jean-Paul II, notamment par les vagues de repentance à la fin des années 90 jusqu'en 2000, à Jérusalem, au mur des Lamentations, a complété ce manque. Et on peut dire que depuis, on est passé donc de déplore à condamne l'antisémitisme très largement. Vous voyez, il y a eu un progrès. Bruno Charmet, est-ce qu'on peut explorer deux points qui sont souvent cités en matière de malentendus ou de sources de dissension entre le monde juif et le monde chrétien? C'est bien sûr les juifs perfides, hein, l'appellation, et puis le passage de saint Matthieu, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce que ça, c'est encore des sujets? Est-ce qu'il y a encore des surenchères ou des débats autour de ces questions-là? Alors, juif perfide, ça a été supprimé. Alors, oui. Quel est le regard de l'expert? Voilà, partons du latin. Bon, juif perfide. Alors, évidemment, l'ambiguïté venait du fait que, dans le langage courant, perfide est un mot extrêmement négatif. Oui. Mais à partir du latin, c'est perfidia. Et dans fidia, il y a fides. Ce qui signifiait à l'époque, pour désigner donc les juifs, tout simplement d'une foi, je dirais, mal ajustée. Bon, ce qui n'a pas tout à fait un sens aussi terrible que le mot perfide. Cela dit, là encore, notre fondateur Jules Isaac a une idée de génie. Un an après la fondation de l'amitié judéo-chrétienne, il a pu avoir une petite audience avec Pie XII en 1949, où il a réussi donc à faire expliciter ce que je vous disais, c'est-à-dire retrouver l'étymologie latine. Et puis ensuite, le mot « juif perfide » a disparu à l'époque de Jean XXIII. Et n'oublions pas aussi la demande de Jules Isaac de l'agenouillement des fidèles catholiques lors du Vendredi Saint, qui n'était plus autorisé et qui a été à nouveau autorisé à partir de 1955, comme pour toutes les grandes prières pour le Vendredi Saint. Donc vous voyez déjà dans les années 49-55 un progrès. Sur la phrase de saint Matthieu, c'est trop compliqué? Moi je crois que là, effectivement, je pense qu'on n'a pas forcément le temps, le développement théologique. Non, il faudrait quasiment consacrer un... Je pense, Matthieu 27-25. La seule question, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet de débat? Vous? Oui, nous travaillons théologiquement sur ce qu'on appelle des phrases dures du Nouveau Testament. Mais notamment, il faudrait retravailler, mais là on n'a pas le temps, vous parliez de Matthieu 27-25, son sang retombe. Il faudrait retravailler, ne pas, ce qu'on a fait à travers les siècles, isoler un verset de son contexte et surtout de son contexte biblique. Parce qu'on s'apercevrait que l'aspersion du sang, par exemple, était une pratique juive dans l'Ancien Testament. Mais là, franchement, on n'a pas le temps d'en dire plus. Mais je supplie surtout qu'on retrouve l'enseignement biblique d'une telle phrase qui n'est pas une phrase totalement nouvelle, je dirais, à partir du Nouveau Testament, mais c'est trop long. Elle s'inscrit dans un contexte existant. Elle s'inscrit dans sinon, on ne peut pas la comprendre. Non, exactement. Ou alors, on fait de la pure polémique. Alors, ça fait partie des sujets. Il y a encore des sujets d'exploration. Ah, heureusement, ça, en fait, heureusement. Précisément. Alors, Bruno Charmet, vous avez remis récemment le prix d'amitié judéo-chrétienne à Richard Prasquier. Ça s'est passé au Collège des Bernardins. Peut-être en dire un mot, parce que c'est un prix que vous remettez chaque année. Hein, et on peut peut-être citer une partie de son discours. « Le temps viendra, je l'espère, où nous pourrons tous dire « Soyez de bons chrétiens, cela nous aidera à être de bons juifs. » C'est ce qu'il a dit. Puis « Soyez de bons juifs, cela m'aidera à être un bon chrétien. » C'est un peu la synthèse de ces rencontres. Richard Prasquier a eu une parole totalement prophétique pour redonner le contexte. C'était le cardinal de Courtrai, l'archevêque de Lyon, qui avait dit au début des années 80... aux frères juifs, soyez de bons juifs, cela m'aidera à être un bon chrétien. Et Richard Prasquier nous a dit aux Bernardins le 15 octobre dernier, le temps viendra, je l'espère, où nous pourrons tous dire, soyez de bons chrétiens, cela nous aidera à être de bons juifs. Vous voyez, c'est ce que je disais au départ, il y a une réciprocité maintenant dans la confiance. Vous auriez vu la fraternité que nous avons vécue avec 250 voire 300 personnes lors du prix de l'amitié judéo-chrétienne l'autre jour, c'était absolument extraordinaire. Et alors je rappelle que Richard Prasquier a été l'initiateur du mémorial Lustiger dans l'abbaye bénédictine d'Abou Ghosh en Israël il y a 2 ans. Où se rendait régulièrement le cardinal Lustiger. Exactement. Bruno Charmet, une question un peu plus politique. Est-ce qu'aujourd'hui, être proche, alors par exemple de Richard Prasquier, dont on sait qu'il soutient l'État d'Israël, quand même, ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait compréhensible. Est-ce que ça n'en revient pas aujourd'hui à être instrumentalisé par la cause sioniste ? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas. Je pense que nous ne sommes naturellement pas une organisation politique, vous imaginez. Nous ne sommes pas le CRIF. Nous sommes en lien fraternel avec le CRIF. Mais nous ne sommes pas une organisation politique, j'insiste. Nous accompagnons nos frères juifs dans leur aventure difficile en terre d'Israël. Ça veut dire quoi accompagner aujourd'hui ? C'est-à-dire ce qui se passe là-bas, on est à l'intifada au couteau, etc. Sommes en lien donc avec nos frères juifs, aussi bien de diaspora que d'Israël. J'insiste sur le fait, on n'en parle pas suffisamment, mais que nous avons par exemple remis le prix de l'amitié judéo-chrétienne il y a une dizaine d'années à Lucien Lazare, qui est un juif orthodoxe, luttant pour 2 États, palestinien et israélien, voulant la paix entre les deux. Je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples, par exemple des rabbins pour la paix en Israël, qui replantent des oliviers dans les territoires, les colonies si vous voulez, ou qui ont été donc déracinés. Il y a tout un travail de paix, de justice qui n'est pas suffisamment connu et que nous voulons mettre en valeur. Par exemple, il y a des villages entiers qui sont des villages tenus par des juifs et des palestiniens ensemble, si vous voulez. Tout ceci, il y a la figure du père Bruno Hussard qui a beaucoup aidé à ce moment-là. Nous sommes en tout cas du côté des personnes qui veulent un partage de fraternité et de terre entre juifs et juifs et musulmans, israéliens et palestiniens, dans cette belle terre. Est-ce que la difficulté ne vient pas, Bruno Charmet, du fait que le chrétien partage vraiment le spirituel et le politique ? Mais quand vous dites juif ou même musulman, on a beaucoup plus de mal à distinguer les choses. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire être juif, en fait ? Est-ce que vous n'avez pas une interprétation respective ? Oui, alors c'est vrai que nous, chrétiens, nous sommes toujours donc dans l'obligation de confesser notre foi chrétienne. Face à un juif, on est dans une dissymétrie où on peut être juif, on est juif de naissance par sa mère, hein, mais je pousse à l'extrême, ce qui n'est pas impossible, on est encore reconnu juif, c'est athée. Ce qui est absolument inconcevable, un chrétien athée, c'est un cercle carré, c'est une incompatibilité. Donc déjà, vous voyez, c'est autre chose. La notion de peuple est différente entre le peuple chrétien, expression qui a été reprise par Vatican II, peuple de Dieu. Bon, mais n'oublions jamais que le peuple de Dieu, c'est le peuple juif en premier. Mais la notion de peuple juif est différente de celle du peuple chrétien qui est un peuple confessant. Le peuple juif, c'est une communauté un peuple, un rassemblement, et il y a déjà une dissymétrie. Que faites-vous de cette dissymétrie, en fait ? Ben, déjà, vous voulez la faire évoluer ? C'est un acte. Mmh. On prend acte de cette dissymétrie, et à partir de là, sans aucun complexe, on parle de nos différences, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas du même lieu. Les juifs laïcs existent, des juifs, je disais, non-croyants existent, ils demeurent juifs, des chrétiens existent, mais ils ont dans l'identité de confesser les résurrections du Christ. Alors justement, est-ce qu'on parle du Christ à l'amitié judéo-chrétienne ? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est un sujet duquel les juifs peuvent parler ? Aucun problème, d'une certaine manière, pour aujourd'hui. Dire quoi ? Pour parler notamment de l'enseignement juif de Jésus dans les évangiles. Et je disais, le rabbin Philippe Haddad fait un travail formidable, notamment à partir des paraboles, qui sont des paraboles très proches de celles des rabbins du Talmud. On a tout un éventail éthique, spirituel, qui nous est commun. Je répète, après, bien sûr, frontalement, nous accusons nos différences dans l'amitié, je répète, sur la non-reconnaissance par nos frères juifs de la mort et de la résurrection du Christ, par exemple. Et l'angle mort, c'est évidemment la politique qui est toujours un sujet de division. Vous voulez dire la politique... La politique internationale, enfin les questions liées à l'État d'Israël. Oui, c'est compliqué, mais je vous dis, on peut aussi en parler dans la mesure où quand même nous avons beaucoup de frères juifs. Moi, je dis les choses peut-être politiquement incorrectes, ils ne sont pas d'accord avec Netanyahou. Mais si vous voulez, il y a quand même une grosse distinction importante que je retiens du Père du Jardin. On est obligé de s'arrêter malheureusement, Bruno Charmet. Vous verrez, c'est promis. Je cite quand même votre ouvrage, Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique alliance, préfacé par Marguerite Léna. C'est aux éditions Paroles et Silence et vous êtes directeur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Merci d'être venu ce matin pour le 50e anniversaire de Nostra Aetate. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Merci Louis.